The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To move in. Emménager. The internet. Internet. Landline. La ligne fixe. Dial-up connection. Le bas débit. High-speed connection. Le haut débit. Broadband. L'ADSL. Subscription. L'abonnement. To proceed. Procéder. Rather. Plutôt. Now, a bit faster. To proceed. Procéder. Subscription. L'abonnement. Broadband. L'ADSL. Rather. Plutôt. Broadband. L'ADSL. The internet. Internet. To proceed. Procéder. To move in. Emménager. Rather. Plutôt. The internet. Internet. To move in. Emménager. Subscription. L'abonnement. Rather. Plutôt. To proceed. Procéder. Subscription. L'abonnement. Broadband. L'ADSL. Dial-up connection. Le bas débit. Now, use the words in context. Emménager. She just moved into the house of her dreams. Elle vient d'emménager dans la maison de ses rêves. La ligne fixe. Here is my home phone number. Voici mon numéro de ligne fixe. L'abonnement. I got a 6-month subscription to that fashion magazine. J'ai pris un abonnement de 6 mois à ce magazine de mode. Procéder. That company did things that way in order to get into the European market. Cette entreprise a procédé comme ça pour pénétrer le marché européen. Plutôt. He prefers that she come tonight. Il préfère plutôt qu'elle vienne ce soir. Emménager. She just moved into the house of her dreams. Elle vient d'emménager dans la maison de ses rêves. La ligne fixe. Here's my home phone number. Voici mon numéro de ligne fixe. Plutôt. He prefers that she come tonight. Il préfère plutôt qu'elle vienne ce soir.